En v'là des vertes et des pas mûres sur les comptes du ministre Woerth, qui dit que l'enquête est ouverte, mais la juge se heurte à un mur. En v'là des vertes et des pas mûres sur la femme du ministre Woerth. Entre elle et lui, il y a un mur, dit-il, mais ses mensonges ont pure perte. En v'là des vertes et des pas mûres sur la copine du couple Woerth, qui se retrouve face au mur, qui jette l'argent par les fenêtres. En v'là des vertes et des pas mûres sur nos députés qui se murent, et puis qui votent en cachette la réforme de nos retraites. Assez des vertes et des pas mûres, nous allons faire trembler vos murs. À l'Assemblée, aux baïonnettes, qu'on récolte les blessons mûres.